all as it should be. Where you are, you and I stay. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir à tout le monde, c'est l'émission Terra Incognita qui sera avec vous pour les deux prochaines heures avec un choix musical de Bruno Côté et des petits commentaires de Jean-François Lamarre. Et sans plus tarder, nous allons débuter cette belle émission, la première du mois d'août à CKRL. Je disais la dernière fois que c'était notre dixième anniversaire, moi et puis Bruno, de collaboration. On avait débuté, en effet, à CKIA il y a déjà 10 ans. Et je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a eu comme un petit ralent. Donc, on va débuter avec Inducti, un disque qui est passé à l'histoire, je pense. Un très bon disque que je n'ai pas écouté depuis longtemps, mais c'est fun que Bruno ramène ça. Il s'appelle Sous-Art et ça avait été assez intéressant il y a quelques années. Et la pièce qu'on entend, c'est Frieder. Ce sera suivi immédiatement après par Idrea Space Folk, un groupe que j'aime beaucoup. Et un album, malheureusement, que j'ai pas parce que les disques sont assez difficiles à trouver. L'album s'appelle Astronautica. Donc, ce sera une belle occasion pour moi. On va entendre la pièce Badding. Et Bruno nous a choisi un groupe québécois qui s'appelle Carniard. Et l'album s'appelle The Choy. Et en fait, T-Choy. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Baudouin. Donc, on y va tout de suite en musique. Thank you. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteille, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vape Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapeclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vape Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. En effet, la carte de membre de CKRL, nous sommes présentement en campagne de pré-membership pour la saison 2015-2016. Donc, ça se poursuit jusqu'au vendredi 4 septembre. Et pour devenir membre, ça coûte 25$, mais ça donne des avantages chez certains marchands. En plus d'encourager, de permettre à la station que vous êtes en train d'écouter, de poursuivre ses activités, parce qu'on n'a rien pour rien dans la vie et tout coûte cher. Et on vous invite à contribuer, à prendre la carte de membre, et ça se fait soit par téléphone au 640-2575, poste 201. Vous pouvez passer à la station au 405 3e avenue. Mais ça peut aussi se faire par Internet via service sécurisé PayPal. Donc, c'est disponible à www.ckrl.qc.ca. Et on poursuit en musique avec Floating State, un très bon groupe italien qui, sur l'album Giallo, est allé d'une suite de 25 minutes, dont je vous fais grâce du titre. Et d'ailleurs, sur le site, ça ne sera pas tout de suite que le contenu va être mis, parce que c'est Marc qui s'occupe de ça et présentement il est en vacances, mais vous pouvez avoir le contenu sur le site de CKRL. Vous pouvez avoir le contenu des émissions en podcast et vous pouvez le réentendre, ou si vous en avez manqué un bout. Et ce sera immédiatement suivi de Steven Wilson, un autre extrait de Anne Cannot Erase. On va entendre Transience. Primo 900. de blu, es un pensiero solenne, per decenni addormentato tra queste mura, che rivelano di tratto no qualcosa. senno. E tu che pensi a disegnare, a disnaturare, mi spalti. Che ne sapete voi, voi che tremate, vi illuminate, vi assomigliate a cosa? Che mi infarina da sotto le vesti, voi avvoltate l'inconscio in prosceno di un vile teatro. Tra panni pesanti e drappeggi, muti pilastri e matite, spilli per gli occhi e copioni. Sapete già tutto e che curate voi stessi in quell'arida mente, sì, che vi trascina con tutte le vesti, voi barattate l'inconscio più sceno che avete trovato. Mani fermavano il mio tenue pensiero, mura di bianchi camici. Che ne sapete voi d'una famelica verità? Voi che sapete già tutto e che curate voi stessi, quant'anche la mente più scaltra può vacillare. Vi basta a capire l'assurdo, ma non affermarlo. Da stridenti geometrie. We'll be right back. senza disegno di un'infanzia già mossa dal delirio e abbandono nel petto di chi ti stava. Thank you. di rosso e di metallo e scivolando nel baratro, nel baratro, nel baratro, nel baratro, baratro e delirio, baratro, nel baratro, nel baratro, nel baratro, baratro e delirio. Fermavano il mio tenue pensiero. Mura di bianchi camici. Che ne sapete voi d'una famelica verità? Through the country, speed through the dark. A child in a train, tristesse it departs. It's only the star. It's only the star. Before they fell away, it's seemed to matter all the same, but it was only the star. It's only the star. It's only the star. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Cet été au Bal du Lézard, il fera chaud, très chaud. Du lundi au dimanche de 14h à 19h, le Bal vous propose son spécial sur les bières importées et de microbrasseries québécoises. Nos 5 à 7 étonnants sur les bières canadiennes standards et le vin. Nos fameux 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Chaque mardi dès 17h, le Bal vous invite à son célèbre barbecue festif. Alors qu'attendez-vous? Venez vous désaltérer. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, lebaldulezard.com. Et c'était une courte pièce de Steven Wilson, extraite de And Cannot Erase, qu'on a eu l'occasion de voir en concert dernièrement à la fin du mois de juin. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Transience. Et juste avant, c'était une longue suite de Floating State, extraite de l'album concept Giallo. Et on poursuit. Juste avant, je voudrais juste faire un petit message à Michel qui nous a appelé la semaine dernière à propos de du disque de le dernier du groupe américain Discipline. Michel, tu me disais au téléphone que la voix était en sourdine là, sur la première pièce. Ben effectivement, tu avais raison, ça m'avait pas frappé, mais je l'ai réécouté dimanche matin et effectivement la voix est un peu en sourdine, même si ça m'avait pas dérangé plus qu'il faut, mais après en avoir parlé avec toi, ben je me rends compte que effectivement c'est un drôle de choix qui a été fait de mixer la voix comme ça en arrière-plan, je dirais, presque en sourdine. Donc, voilà, ton disque n'avait pas de défaut, finalement. Et on poursuit pour un troisième bloc avec Progression by Failure. Et c'est un disque éponyme. On va entendre une pièce qui s'appelle Desperate Anger. Et ça va être une découverte pour moi. C'est Bruno qui me sort ça. Il me surprend un petit peu. Et on va poursuivre ensuite avec Philorhythmia. Un autre groupe que je connais pas et que j'aurai le plaisir de découvrir. Et ce sera l'album Passage et la pièce Godot. Et on poursuivra en terrain connu en ce qui me concerne avec le très bon groupe italien New Trolls de l'album Atomic System. On entendra Ibernazione. Thank you. We'll be right back. caffè come fosse buono talco. Steso su di me, ma non basta ad asciugare. Penso che così sia impossibile subire l'altra verità. Non mi basta per adesso. Se anche questo finirà, sento che un sistema troverò. Godo. Ho cominciato a vivere bene. Faccio come chi ha già in mano il suo destino. So che il bicchiere è mezzo vuoto. No, non lo bevrò e mi ubriacherò lo stesso. We'll be right back. gli occhi già una volta e pure adesso mi abbaglia ancora questa luce che conosco ed io rivedo ancora il sole. E non è certo il mio paese o la mia ora, ma un altro anno vivo forse un'altra era, eppure vivo un'altra volta. E intorno a me colori e suoni ormai perduti, sento svegliarsi, mi hanno i sensi già assopiti, e allora vivo un'altra volta. Davanti agli occhi un orizzonte sconosciuto e nella mente sento già mille domande, il desiderio di sapere. sarò solo qua. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromages, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Cet été chez Contact Musique, c'est la saison des rabais. En vue de la fermeture du magasin, la plupart des articles sont en liquidation. Toutes les partitions et les CD sont à 33 % de rabais. Vous êtes à la recherche d'un instrument ou simplement à l'affût des aubaines? Venez chez Contact Musique et profitez des meilleurs prix en ville. Une seule adresse. Contact Musique, 578 rue Saint-Jean au centre-ville de Québec. 88 524 0444. Ben oui, Contact Musique rencontre belle institution qui disparaît malheureusement. Mais ce qui disparaît pas, c'est l'émission que vous écoutez, l'émission Terrain Incognita. Et encore un autre beau bloc, deux découvertes en ce qui me concerne, Progression by Failure, qui avait débuté avec un album éponyme, et surtout Philo Rythmia, qui est avec son album Passagi, là, que j'ai trouvé assez intéressant, là. Merci à Bruno pour cette belle découverte. Et ben ça me permet de rappeler à mon beau souvenir aussi New Trolls Atomic System avec Ibernazione, de la bonne musique italienne des années 70. Et d'ailleurs, pendant la pause, en fait pas pendant la pause, mais pendant que ce bloc jouait, j'ai eu une bonne petite conversation avec Mike et c'était très intéressant, jaser musique. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs si vous avez des commentaires à apporter. Au 418-931-1586. Et cette fois-là, je l'ai bien dit. Merci à l'auditeur la semaine dernière qui m'a fait remarquer que c'était pas le bon numéro. C'était plutôt un numéro ici à l'interne pour les abonnements. Et c'est déjà la fin, presque déjà la fin de l'émission. C'est le dernier bloc et on va faire ça avec de la musique du Québec. Un très bon artiste qui s'est pas rappelé notre bon souvenir depuis un bon bout de temps. Je parle de Daniel Gauthier, qui avait sorti un très bon disque, qui s'appelle Above the Storm. On va entendre une pièce assez longue qui s'appelle Cross the Bridge. Et ben on vous reviendra après ça pour un court micro. we know it can be very real as we try to reach the sky. Joyous sounds and melodies carries our very souls as freedom's wind is calling now. Can't you hear it now? Can't you feel it now? Can't you feel it now? Thank you. very real as we tried to reach the sky. Joyous sounds and melodies caressed our very souls as freedom's wind called us then. We just flew back, we now know better, and when we're needing peace, we'll make our way across the bridge. C'était Daniel Gauthier. Et c'est l'avant-dernière pièce. On va terminer avec Electric Orange et l'album Krautrock From Hell. Donc, c'est tout pour nous cette semaine et nous vous invitons à demeurer en onde avec Stéphane Villeneuve et l'autoroute. Bonne semaine.